L'actualité à Nancy et ailleurs. Conquérir pour guérir, Aconcagua 2022, c'est le nom du projet de Lucas Standinger. Pour récolter des fonds pour la recherche sur la sclérose en plaques, ce Mosellan s'apprête à gravir le sommet le plus haut de la cordillère des Andes. Lucas Standinger, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous déjà tout simplement pourquoi ce défi. Tout simplement, en fait, je suis un passionné de haute montagne. Donc, à ce titre, je parcours des sommets un peu partout, que ce soit dans les Alpes ou ailleurs. Et l'Aconcagua est le prochain défi, tout simplement. C'est à ce jour le sommet le plus haut que je m'apprête à gravir, car il s'élève à 6962 mètres d'altitude. Et c'est à travers ce sommet, qui est un sacré morceau, si on peut dire, que j'ai souhaité faire un engagement associatif, histoire de médiatiser un petit peu l'événement, pour donner de la visibilité à la sclérose en plaques. Donc, c'est une maladie qui me concerne, si on peut dire personnellement, car ma compagne en est atteinte. Et donc, voilà, j'ai souhaité, à travers cette ascension, justement, mettre en lumière cette maladie et récolter des fonds par rapport à ça, pour la recherche et pour le soutien aux malades. Exactement. Et ce sujet, nous l'aborderons en compagnie de Morgane Momi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice pour l'ORCEP. En deux mots, l'ORCEP. Le LORCEP, c'est le réseau lorrain pour la prise en charge des patients atteints de sclérose en plaques. C'est une équipe pluridisciplinaire d'infirmiers, psychologues, assistantes sociales et neuropsychologues qui accompagnent les patients et leur entourage dans leur quotidien, dans leur démarche aussi. On va revenir un peu sur votre rôle et aussi le rôle de l'ARCEP aussi, qui est plus au niveau de la recherche hein, cette fois-ci, parce que c'est aussi en vue d'aider cette association que vous faites ce défi. Vous partez quand ? Alors le départ est prévu le 1er décembre 2022. Et vous avez lancé donc une cagnotte pour vous aider à financer ce voyage et ce défi. Un défi qui va durer combien de temps ? Alors en tout, je pars 3 semaines et l'expédition en elle-même dure 16 jours, 16 jours et 16 nuits. Et vous partez seul ? Alors je pars tout seul en Argentine et là où j'aurai un guide argentin qui m'accompagnera pour toute l'expédition. Et vous avez dit que c'était pas votre premier essai, hein. Vous avez déjà gravi le Mont Blanc, je crois ? Oui, Mont Blanc et le dernier en date, le Kilimandjaro en janvier. Donc des sommets qui sont déjà bien connus, mais c'est d'autres aussi que vous avez gravis ? Oui, tout à fait, des sommets un peu moins connus, que ce soit dans les Alpes suisses, françaises, en Corse. L'idée, comme je dis toujours, c'est de rester humble face à la montagne et d'y aller progressivement, donc c'est pour ça que j'ai souhaité faire vraiment du progressif. Et là, ce jour, l'Aconcagua, comme je disais en début d'émission, c'est le plus haut. Donc c'est pour ça que niveau timing, j'ai trouvé ça bien de choisir ces moments pour prendre l'engagement associatif. Cet engagement associatif qui vous touche, hein, vous l'avez dit, votre compagne est atteinte de sclérose en plaques. Pour expliquer un peu ce qu'est cette maladie, peut-être te donner la parole à Morgane Momi, la sclérose en plaques en quelques mots. En quelques mots, la sclérose en plaques, c'est une maladie principalement de l'adulte jeune, du moins au moment du diagnostic. Elle touche environ 120 000 personnes en France, 3 femmes. Pour un homme, donc à prédominance féminine. C'est une maladie qui comporte beaucoup de troubles invisibles, comme la fatigue, les troubles cognitifs, des troubles vésico-sphinctériens, donc qu'il est difficile de voir. Et c'est en ça que Lucas aussi souhaite donner de la visibilité à cette maladie dont on parle peu et qu'on voit peu. Une maladie qui peut se déclarer assez jeune aussi, je crois. À partir de quel âge elle peut apparaître ? On estime la période diagnostique entre 25 et 35 ans. Alors, il y a toujours des exceptions, mais c'est vraiment cette parenthèse-là... de 25-35 ans. Là, le rôle de l'ORCEP, vous l'avez dit, c'était plus un rôle d'accompagnement. Tout à fait. Alors, les personnes soit viennent d'elles-mêmes, soit nous sont adressées par leur médecin, neurologue, des connaissances. Et puis, on leur propose un accompagnement de l'éducation thérapeutique, donc de l'éducation à la maladie, au traitement, un soutien psychologique s'ils en éprouvent le besoin, une assistance dans les démarches sociales aussi, un accompagnement dans tous les aspects de leur vie finalement. On peut être malade de la sclérose en plaques et avoir une vie relativement normale, faire du sport, pourquoi pas aussi gravir des montagnes, c'est compatible avec ce type de maladie ? Alors je dirais qu'il y a autant de sclérose en plaques que de personnes qui ont la sclérose en plaques. Certains feront des ultra-trails, d'autres ne pourront pas. C'est vraiment personne dépendante. Néanmoins, les nouveaux traitements et les prises en charge actuelles permettent de vivre de mieux en mieux avec la maladie. On est loin de l'image de la personne en fauteuil qui va finir sa vie sans pouvoir bouger, etc. On n'en est plus là. C'est ça aussi qu'il faut dédramatiser, je pense. Ce défi physique, conquérir donc l'Aconcagua, plus haut sommet de la cordillère des Andes, ça permet vraiment de mettre en lumière ce qu'est cette maladie et ce qui est possible de faire. Tout à fait, comme je vous disais, le but c'est de profiter de la relative difficulté du sommet pour mettre en lumière tout ce qui touche à la sclérose en plaques. Donc comme l'a dit Morgane, parler un maximum de la maladie. Maladie qui est encore assez méconnue, parce que moi, en ce qui me concerne, par exemple, avant qu'on diagnostique ça à ma compagne, j'ignorais à peu près ce que c'était. Je savais que c'était une maladie neurologique, mais sans plus. Et au final, oui, en me renseignant, je me suis rendu compte que même les médecins ne savent pas exactement comment ça se déclenche, comment ça s'attrape pour ce qui est de ma compagne. On ne sait pas depuis quand elle l'avait. Elle a eu un diagnostic pendant une poussée, mais elle avait la maladie, ça se trouve, depuis 10 ans, on ne sait pas. Et il y a beaucoup d'idées reçues encore sur cette maladie à combattre, par exemple? Oui, je pense principalement alors peut-être à cette idée de « Mon Dieu, j'ai une sclérose en plaques, je vais finir en fauteuil ». Non, c'est pas inéluctable. Et puis peut-être aussi parler de la fatigue qui est un des symptômes principaux de la sclérose en plaques. Et je pense qu'on ne peut pas la décrire puisque c'est une fatigue bien particulière qu'on comprend peut-être pas. On aurait tendance à dire « moi aussi je suis fatiguée », mais non, c'est vraiment la fatigue. C'est quelque chose de très important à essayer de faire comprendre. C'est plus fort que ce que nous on peut imaginer en n'étant pas malade. Oui, vous avez évoqué le terme de poussée, ça arrive par période. Alors, il y a effectivement des poussées dans certaines formes de sclérose en plaques. Ce sont des manifestations qui se traitent par des bolus de corticoïdes lorsqu'il s'agit de poussées réelles. Il existe différents traitements pour la sclérose en plaques. Un traitement de fond qui va justement éviter les poussées, un traitement des poussées lorsqu'il y en a, et puis un traitement des symptômes au quotidien, la douleur... je pense aux troubles cognitifs. Voilà. Donc, le rôle de l'ORCEP pour accompagner justement les personnes et les familles aussi. Comment on peut vous aider donc dans cette démarche, dans votre défi de la Aconcagua 2022? Alors déjà, vous pouvez suivre l'évolution de la préparation sur les réseaux sociaux, donc que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. J'essaie de poster régulièrement du contenu s'agissant de mon entraînement à proprement parler, de la préparation du matériel, etc. J'essaie aussi de faire des posts relatifs à la sclérose en plaques pour justement essayer de faire connaître un petit peu mieux la maladie, que les gens sachent un petit peu de quoi ils retournent. Vous pouvez également m'aider en faisant un don sur la cagnotte. Donc cagnotte qui sera clôturée à mon retour de la Cordillère des Andes et qui sera reversée à l'association l'ORCEP et également à l'association ARCEP qui est basée en Île-de-France qui, elle, fait plus de la recherche contre la maladie, à proprement parler. Par rapport à la préparation de ce défi, vous y pensez depuis combien de temps et à partir de quand vous avez commencé à vous préparer? En fait, c'est-à-dire que, pour la petite anecdote, c'est d'ailleurs en lien avec la maladie de ma compagne. Moi, si vous voulez, j'ai un principe dans la vie, c'est que je perds jamais de temps à faire quelque chose. C'est-à-dire que là, je prépare la Aconcagua, mais je suis déjà en train de préparer le sommet d'après. C'est justement depuis qu'elle a été diagnostiquée de cette maladie et qu'elle a cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Si vous voulez, moi, ça a revu totalement ma façon de voir la vie et de voir les choses. C'est-à-dire que maintenant, dès que j'ai envie de faire quelque chose, je réfléchis pas 2 ans avant de me lancer, je le fais instantanément. Et c'est pareil pour elle. Si elle me dit j'ai envie de partir en vacances à tel endroit, je dis ok, on réserve demain, on y va. C'est-à-dire que la maladie, en fait, elle est évolutive, comme le disait Morgane. On ne sait pas si ça peut bien évoluer ou pas, du coup, je ne perds pas de temps. Après, pour ce qui est du sommet, oui, à mon retour du Kilimandjaro, enfin, même pendant que j'étais au Kilimandjaro, je savais que le prochain sur la liste était la Aconcagua. Et après la Aconcagua? Je pensais éventuellement m'orienter vers le mont Elbrouz en Russie, mais avec la situation actuelle, ça me paraît ambitieux. Sinon, il y a éventuellement le Denali en Alaska, qui est un sommet extrêmement difficile de par son climat. C'est un climat très, très, très, très compliqué. Après, il y a également pas mal à faire encore dans les Alpes. Et en fait, il n'y a pas besoin d'aller à des altitudes très élevées pour avoir des sommets difficiles. Vous avez dans les Alpes des sommets comme le Cervin, les Grandes Jorasses, qui ne sont pas très hauts, mais qui sont très, très compliqués techniquement. Et du coup, ça peut être intéressant de passer par ces sommets. Les Vosges, non? Les Vosges, c'est déjà fait. Le but, c'est d'accumuler le plus d'expérience possible, que ce soit physiquement, techniquement, mentalement, pour éventuellement un jour m'orienter vers l'Himalaya. Vous avez déjà fait le Kilimandjaro, le Mont Blanc et d'autres. Quand vous arrivez au sommet, qu'est-ce que vous ressentez? Le premier sentiment? En fait, moi, je suis un espèce de chat noir parce qu'à chaque fois que j'arrive au sommet, la vue est pourrie. C'est-à-dire que le dernier en date, il y avait du blizzard, on ne voyait pas 10 mètres. Au Mont Blanc, pareil, il y avait une brume pas possible. Mais au final, c'est pas tant. Enfin, la vue, c'est important, surtout pour moi qui suis un amateur de photographie. Mais au final, c'est pas ce qu'on ressent vraiment au sommet, c'est quand on redescend, qu'on réalise qu'on l'a fait. Et c'est un espèce de sentiment qui dure quelques jours et qui nous fait un petit peu planer, quoi. On réalise pas vraiment sur l'instant, c'est on réalise plus tard qu'on l'a fait. Et c'est assez formidable. L'altitude de ce sommet, c'est combien? C'est 6962 exactement. 6962 mètres. C'est donc, comme vous l'avez dit, plus haut sommet d'Amérique du Sud et c'est également la plus haute montagne, on va dire, du monde, mais hors Asie centrale. Donc en gros, après, on ne peut pas aller plus haut si on ne va pas dans l'Himalaya et l'Asie centrale. Voilà ce défi conquérir pour guérir, parce que derrière, il y a bien sûr cet objectif de faire connaître ce qu'est cette maladie, la sclérose en plaques, ce qu'est la situation aujourd'hui des malades et comment on les accompagne avec l'ORCEP. Vous êtes basé à Nancy? Alors nous sommes à Vendeuvre. À Vendeuvre-les-Nancy, donc on peut vous contacter si on a des questions, comment ça se passe? Vous pouvez nous contacter par téléphone, par mail, il y a un standard qui est ouvert tous les matins. ou sinon par mail, et on reprend contact, quoi qu'il arrive, avec toutes les personnes qui nous contactent. Et aussi une aide qui sera faite pour l'autre association qui est l'ARCEP, A-R-S-E-P, qui est le plus consacrée à la recherche sur cette maladie. Et on peut donc vous suivre dans ce défi, vous l'avez dit, sur les réseaux sociaux. Tout à fait, sur Facebook. Donc c'est le nom du projet, en fait, c'est Conquérir pour guérir, Aconcagua 2022. Et en fait, la page Facebook renvoie à la cagnotte consacrée. Donc, cagnotte qui s'élève à ce jour à 1780 euros. Le message que vous pourriez donner aux auditeurs ? Bah, déjà, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont elles-mêmes atteintes de sclérose en plaques, je leur dirais que, après, c'est peut-être un petit peu bateau, mais je pense que, comme dans beaucoup de maladies, ce qui est capital, c'est le mental. C'est de jamais se laisser abattre. Moi, quand je prends l'exemple de ma femme, c'est quelqu'un qui s'est jamais plaint, elle s'est jamais dit oh, pourquoi ça m'arrive à moi, ceci, cela. Enfin, c'est quelqu'un qui se plaint jamais, qui baisse jamais la tête. Et ça, je pense que déjà, c'est capital. Après, on l'a évoqué en début d'émission, garder un minimum d'activité physique, c'est important aussi pour justement essayer de garder une vie le plus normale possible. Après, concernant le projet plus particulièrement, n'hésitez pas à me suivre, parce que je pense que si ça fonctionne cette fois, il y en aura d'autres qui suivront, toujours en lien avec la sclérose en plaques, bien sûr, donc n'hésitez pas à me suivre dans l'aventure. Et je redonne l'adresse du site de l'ORSEP, c'est www.lorsep.fr, tout simplement. Tout à fait. Merci beaucoup Morgane Momi. Merci à vous. Et merci Lucas Tanager. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.